Eh, hey, t'appelles qui là? Attends, vite fait, attends. T'appelles qui? Ouais, j'appelle Dantia. Il m'avait appelé et tout ça, il m'a laissé un message sur le répondeur, faut que je rappelle. Allô? Allô, Dantia? Ouais. Ouais, c'est Mas. Ah, c'est moi, Mas? Tranquille? Ouais, tranquille. Non, on est là. Qu'est-ce que j'allais dire? T'as reçu mon message? Ouais, mais mon portable portait un peu en couille, donc je t'ai pas rappelé depuis, donc là, c'est bien. En fait, je t'appelais pour dire comment j'ai aidé pour te finir. Ah ouais, c'est lequel au fait, c'est le son? C'est le 13. Le son, je pense pas que je t'avais fait écouter, c'était un vol. Ah ouais? Déchire, laisse tomber. Déchire, il va plus bien. Ah, mais elle est là. Là, Angélique, voilà. Là, c'est bon. Ouais, c'est carré. Le 13, sans faute. Attends, je vais faire un truc. Bouge pas, attends, je branche. Ok.